FrenchPod.com. Dis-moi, tu ne sais pas où est mon MP3 ? Aucune idée. Hier soir, j'ai téléchargé de la musique. Sur un site de téléchargement illégal ? Je ne vois pas le rapport. Je suis contre le piratage informatique. Je te le rendrai quand je retrouverai le mien.